Hardi, hardi, les gars, l'ancre est dans les fonds. Hardi, hardi, les gars, maillon par maillon. Hardi, nous l'arracherons, les gars, si nous virons. Encore et hop et vire, encore et hop et vire. Encore et hop et vire, et vire encore un coup. Ce n'est vraiment pas le moment, les gars, d'être sous. Ce n'est vraiment pas le moment d'avoir les bras mous. Faut pas plier les genoux, les gars, faut virer tout. Encore et hop et vire, encore et hop et vire. Encore et hop et vire encore un coup. L'ancre est maintenant à pic, on va déraper. L'ancre est maintenant à pic, la mer a lâché. Des mains et des pieds, les gars, il faut virer. Encore et hop et vire, encore et hop et vire. Encore et hop et vire encore un coup. Encore, encore un bon coup, c'est pour le retour. Encore, encore un bon coup, enlève le plus lourd. C'est le dernier tour, les gars viront toujours. Encore et hop et vire, encore et hop et vire. Encore et hop et vire encore un coup. Encore, encore un bon coup, c'est pour le retour. Encore, encore un bon coup, enlève le plus lourd. C'est le dernier tour, les gars viront toujours. Encore et hop et vire, encore et hop et vire. Encore et hop et vire encore un coup. Encore et hop et vire, encore et hop et vire. Encore et hop et vire encore un coup.